desan, chanbe mwen bodloa. Ibo mwen, idi mwen, chéri, sois à moi pour la vie. Ben mwen souvi non blanc pour y desan, chanbe mwen bodloa. Ibo mwen, idi mwen, chéri, sois à moi pour la vie. Moi, dis c'est en sirène qui fait moi j'étais.